Lucille et moi, on tripe bien raide, là. Ben raide, j'ai les cheveux hérissés, c'est les poils de tu te bras, man. Wow! Crime! C'est poilception. Ça a poussé vite, ça, depuis... Ben oui, c'est l'été. L'été est terminé, je veux dire. Et puis, donc, j'ai arrêté de me raser, ça fait longtemps. Ah, OK. Je pensais que plus tu t'excitais, plus tes poils poussaient vite. Également. C'est comme un loup-garou de l'excitation. Toute cause la poussation de mes poils. C'est ça. C'est le genre de sujet que tu aborderas peut-être un jour. Non, j'ai déjà fait le thème des poils. T'as fait. Oui, Mathieu, tu dormais sur la Switch. Ça t'a fait l'excitation, tout ça, des poils? J'ai pas fait les pilo-érecteurs, je l'ai c'est pas ça, fait. C'est là. Pas pareil. Mais là, je m'excuse, mais j'ai quand même traité de poils. C'est vrai. Je t'ai traité de poilu. Espèce de poil. C'est Justine Renaud, voici Justine Pertine. Qu'est-ce qu'on boit en octobre? Ah, l'Octoberfest! De la bière qui demeure encore à ce jour la boisson alcoolisée la plus consommée au monde. Oui, et t'as raison que c'est en octobre qu'on boit de la bière surtout, et c'est le mois octobre. Ouais, c'est rendu octobre, là. C'est des moustaches impliquées aussi, non? Drôle de mélange. Ben, écoute... Moustache, c'est novembre. Tu peux dire que tu fais le Oktoberfest puis le octobre, mais genre, t'intercales tes journées, là. Est-ce qu'on pense à faire un Oktoberfest, là? Oh, ça va être plate! T'écoutes un marathon de Virginie, là. Aïe, aïe. En boucle. Mais quoi qu'il reste les saucisses? Ah, c'est vrai. C'est un party de saucisses. C'est ça! Wow! Écoute, c'est ça. Des AA pour homosexuels, c'est... Voilà. Hey, on va enchaîner là-dessus. On parle de bière. C'est le thème que je vais aborder cette semaine comme tant d'autres chroniqueurs, un peu comme moi, dans toutes les sphères, qui convergeront à exploiter l'Octoberfest pour faire une petite chronique rapide. On converge, tu dis ça pour les saucisses, là? Converge. On veut pas que les saucisses convergent toujours, ça dépend où, puis pas en public, hein? Mais moi, je vais traiter des aspects scientifiques, hein, du brassage de la bière. Alors, ce sera pas une petite chronique facile, là. D'ailleurs, je vais la faire en deux parties. Et avec un accent saguenéen. Je vais essayer. J'ai pas pratiqué, par exemple, cette nuit. J'avais d'autres choses à faire, comme dormir. Parce qu'on sait tous déjà que la bière est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation d'un moût préparé à partir de matières premières comme l'orge et l'eau, à quoi on ajoute le houblon à l'étape de l'ébullition. Sauf que le procédé est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ces opérations d'apparence simple. Puis les ingrédients sont beaucoup plus divers que vous ne le croyez. Mmh. Ever, ever, ever. Fait que c'est pour ça que je vais faire ma chronique en deux temps. Aujourd'hui et dans deux semaines, vous reviendrez pour la suite des choses où on dégustera en fait le produit de notre récolte, parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment juste entamer les étapes du maltage, mmh, de la saccharification, de l'ébullition et de la fermentation. Je vais pas aborder les thèmes comme la garde ou le conditionnement qui viennent après, qu'il y a des étapes là-dedans de filtration, de pasteurisation. Puis la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais parler vraiment des goûts, des couleurs, comment ça, un peu la science. Ouais, on va parler de pastilles, Halls, Vicky's, toutes mes préférées. Vicky's. Tu mélanges les chips et les pastilles. Non, il y a des. Ah, oh, c'est des. Ça, c'est Miss Vicky's et Vicks. Je sais pas si elle parle de chips à savoir de pastilles ou des pastilles à savoir de chips. Mais les deux me répugnent. Hey, mec, un petit peu. Quel lapsus, c'est des losanges. C'est de lapsus absurdité. c'est absurde. Hein? Fait qu'on parlait de bière et non pas ceux qui viennent de joindre à nous. On parle pas de chimney, de losange pour maux de gorge. Les quatre étapes que je vais parler aujourd'hui, on va commencer par la première. La première étape, c'est le maltage. Hein? Mm-hmm. Vous le savez peut-être déjà, le malt, c'est une céréale qu'on a germée et qui est cuite pour qu'elle dégage tous ses arômes. Yeah. On parle d'orge, mais on peut aussi parler de maïs, de blé, de riz, etc. Le principe du maltage, lui, consiste à reproduire les conditions idéales de développement du grain d'orge qui nécessite de la chaleur et de l'humidité afin qu'il produise certaines enzymes. En gros, les enzymes, je l'ai déjà dit, là, si t'écoutais, Mathieu, mais apparemment que t'écoutes pas, tu te souviens pas de mes chroniques passées, c'est vrai, j'en ai fait vraiment. Il faudrait vraiment comme un livre de référence de tes chroniques. Écoute, moi, j'ai un document Word qui fait aujourd'hui 95 pages, je peux te l'envoyer. Pour vrai, je serais preneur pour le blog. Ben là, tu me l'as su. Je te jure. OK, mais sérieux, je peux te l'envoyer. Je te jure. C'est mes notes personnelles. Wow. Copyright pis tout. Vous allez avoir l'impression de la connaître. Exactement. Fait que là-dedans, dans mes notes de 95 pages, clairement, je vous ai expliqué à peu près 3-4 fois c'est quoi une enzyme. Là. Ouais. J'espère que vous vous en souvenez. En gros, les enzymes, c'est des outils que fabriquent toutes les cellules qui constituent les êtres vivants. Okay? Fait qu'on, toutes nos cellules fabriquent toutes des enzymes, que ce soit des plantes, des humains, un requin, je sais pas. Enzyme corcorant. Un conservateur, pas de cœur. Oui, sérieux? Sérieusement, t'as fait ce gag-là? Ouais. Elle a vraiment fait ce gag-là. Mais tantôt, je voulais faire. Attends, peut-être que je vais t'en faire un meilleur. Un nouveau magasin de bière, d'orge et déjà. D'ores et déjà, mais orge. D'orge. Non. Non. J'ai trouvé meilleur que Azim Corcoran, au moins. Ben, non, mais les. Écoute, sont toutes bonnes. Mais. Je suis sidérée. Un matin, c'est comme. Ma première chronique, le mois d'avant, là, il me semble que t'avais été comme très sage. Puis là, comme. Là, on retrouve. Le bon notre, vieux Mathieu déplaisant. Bon vieux Mathieu. C'est ça. Fait que c'est ça, on parlait d'enzymes. Hein, les enzymes relâchées lors du maltage, on parle de bière, gang. Bière. Ah, oh. OK, back. Focus. Fait que ces enzymes-là ont la possibilité d'effectuer des tâches bien spécifiques. Là. C'est vraiment comme des petites bidules dans nos cellules qui font. C'est vraiment ceux qui font des tâches. Fait qu'une fois les conditions de chaleur et d'humidité réunies, l'orge commence à produire ces enzymes-là, les petits outils, et certaines permettront de pénétrer à travers la barrière hémicellulosique, donc une barrière ben dure qui se retrouve dans nos grains et qui est difficile à percer, sauf quand on a les enzymes. Mm-hmm. Fait comme ça, on est capable d'accéder aux réserves d'amidon. Puis d'amidon, dans le fond, c'est des grosses, très grosses chaînes de sucre et qui goûtent pas sucré. C'est ça qui est plat. Tu sais, comme la fécule de maïs ou de l'amidon, tout ça, là, ça goûte pas sucré. Mais si tu ajoutes des enzymes là-dedans, des enzymes qui vont détruire ces espèces de grosses branches de sucre-là, ça va commencer à goûter sucré. Puis ça, c'est lors de l'étape d'après qu'on va parler tout à l'heure. C'est comme sweet and low, d'abord. Et ça pareil. Goûte pas grand-chose. Oh ouais, ben non, mais ça goûte, c'est pas censé goûter sucré. Là. Ouais. C'est pas des unités de glucose, c'est vraiment des longues chaînes, fait qu'on goûte pas sucré. Fait que les enzymes servent également plus tard à la sacrification, on va en parler tout à l'heure. Fait qu'on comprend que l'étape de maltage est super importante pour libérer les enzymes nécessaires pour rendre disponibles les glucides qui seront métabolisables par les levures et qui produiront ainsi l'alcool. Mm. Ben sinon, on a des bières sans alcool, pis c'est bien plate. Fait que, oups, excusez. Hey, Non, je juge pas, c'est juste trop simple. Bon. C'est différent. Bon, le maltage se déroule en 4 étapes, suivez-moi. Il y a le trempage, la germination, le tourroyage, hein? le courroyage. Ouais, le courroyage. Le twango. Exactement. Et le dégermage. Ah, okay. Oh boy. C'est violent. Hein? Ouais. Le trempage, en gros, c'est 24-48 heures. Ça consiste à humidifier le grain. On l'a dit, c'est nécessaire d'avoir ce liquide-là pour faire en sorte que l'orge va s'épanouir dans son nouvel environnement. Fait qu'on passe d'un grain qui est humide à 12-14 à quelque chose qui est humide de 42-45. C'est immense. Là. C'est, vous avez aucune idée à quel point ça gonfle cette histoire-là. La deuxième étape, c'est la germination qui est la période durant laquelle l'orge commence à germer. Fait qu'il pousse des petites affaires, puis on trouve ça bien le fun. Comme une patate. Exactement. Puis ça va conférer des goûts vraiment particuliers à la bière, là, qui sont typiques à la bière. La troisième étape, c'est le tourraillage et non pas le courraillage. On pourrait, oui. ça donne lieu au, à la, dans le fond, on va cuire le malt vert, puis on passe d'une humidité qui est à 45% à quelque chose qui est à 4%. Oh, et okay. Plus c'est comme torréfié, donc plus c'est tourraillé, plus la bière va être foncée. Ça confère vraiment la couleur à la bière. On va en reparler plus tard. Est-ce que tu peux magasiner ta bière par tourraillage? Si t'arrives avec le terme tourraillage, genre, je pense qu'ils vont te donner les clés du gambrinus. Ah! Ils vont dire, c'est ça. You're ready, boy. Vas-y. Exactement. Fait que c'est ça. Donc, le tourraillage qui se fait à des températures assez variables, on peut passer de 50 degrés Celsius à 110 degrés Celsius, c'est assez élevé. Puis plus plus c'est foncé, là, plus les goûts là, caractéristiques, caramel et tout ça, ça l'air va noir, ressortir. Là. Exactement. Et l'étape finale, c'est le dégermage. Où je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais ça consiste à débarrasser le malt de ses petites radicelles, donc les petites germes. Je ne sais pas s'ils font ça à la main, mais la personne qui fait ça, elle devrait être payée plus que Simonac, ben des gens. Ouais. Ça doit être assez difficile de dégermer ces petites orges-là. Et non pas les orgelets. On dégerme pas les orgelets. Non. Pas prescrit par la loi. Et c'est à ne pas confondre cette étape-là avec le dégerbage quand tu vomis la bière à la fin, c'est ça? Ah non, c'est ça. Mais là, la chasse est-tu réouverte, là, en parlant de dégerbage? Oui. Ouais, c'est réouvert. C'est fait. C'est bon, c'est correct. Ouais. Faut pas trop leur en parler de ça. Faut faire comme si de rien n'était, apparemment. Mais... Considérer. Deuxième étape, là, on était juste dans le maltage, gang. Vous comprenez pourquoi ma chronique, elle peut juste durer comme genre le temps que ça durera, mais dans le sens que je vais la couper en deux. Hein, oui, c'est ça. Elle a tout le temps devant elle, mais elle j'en veut ai pas absolument deux chroniques. Mm-hmm. Oui, je vais faire deux chroniques. C'est thématique. Le deuxième événement du brassage de la bière, c'est la saccharification. On dit saccharification, ça sonne comme sucré. C'est comme... Ça fait Halloween c'est aussi, là, comme scary. Tu sais. OK. Fait que la saccharification est un processus biochimique qui consiste, tu sais, en général à transformer des sucres complexes, mm-hmm, style la cellulose ou l'amidon que j'ai parlé tout à l'heure, en sucres plus simples comme le fructose et le glucose. Fait que il s'agit généralement d'un processus qu'on va dire enzymatique, donc on avait besoin de nos enzymes de tout à l'heure suite au maltage. Puis en brasserie, on parle d'une autolyse. Donc c'est pas qu'on va acheter des enzymes qui proviennent de l'extérieur, on fait pas importer des outils là de China. On fait vraiment, là, on utilise des outils là déjà locaux, dedans, oui, locaux dans l'orge. Fait que l'orge a ses propres outils pour transformer sa propre son propre amidon. Fait que c'est ça qui est fantastique. Une enzyme là-dedans, là, importante, c'est l'amylase. Et c'est cette enzyme... L'amylase. L'amylase. Ah. L'amylase. Melase. Hey, si jamais j'invente une bière, je vais l'appeler l'amylase. Ah oui. Personne va comprendre le gag. Mais sauf toi pis moi, puis on va boire notre vie, puis finalement s'acheter des cocktails parce qu'on préfère des cocktails. C'est ça. On est les seuls à avoir besoin de se comprendre. Hein? Exactement. On est les seuls à avoir besoin de se comprendre. Ouais. Et voilà. Cet outil... slash enzyme peut utiliser l'amidon déjà présent dans les grains pour le transformer en sucre simple. L'amidon, c'est, on l'a dit, c'est les longues chaînes de sucre stockées en végétaux. C'est pas bien, bien sucré, fait qu'une fois que l'amidon est coupé en tout petits morceaux de glucose par les enzymes, ben les unités de sucre sont libérées et on obtient un mou primitif. Un mou primitif. Un mou primitif. Qu'on appelle Donald Trump. ou amidon Donald Trump. C'est pas fou. Oh, wow. Hey, c'est vraiment, c'est bon ça, j'aime merci ça. Troisième étape, je vais y aller rapidement parce qu'après ça, il reste déjà la fermentation qui est en elle seule. Fais pas ta pressée. Non, je fais pas ma pressée, là. Ta princesse, tu défends ça. Fais pas ta princesse. T'es cheap, mais... ça. Non, je fais pas ça. Je vais parler d'ébullition parce que ça, c'est important de parler de cette étape-là parce qu'on appelle aussi l'ébullition l'étape doublonnage. Ah. OK? C'est lors de l'étape d'ébullition, il y a plusieurs choses qui se produisent. Premièrement, on boue le mou. J'avais vraiment on boue le mou. Ah, c'est mon moment de la journée. Après ça, it's all downhill from there. Et voilà. Je vais me tirer une balle. Start from the bottom now. Exactement. Here. Exactement. Typiquement, on boue pendant une heure, ce qui permet d'évaporer un peu d'eau et de concentrer les sucres. Ça, c'est super important. Ça permet également de détruire les enzymes restantes des étapes précédentes parce que les outils qu'on utilisait jusqu'à ce point ne nous sont plus utiles pour la fermentation subséquente. Là. Fait que c'est bien important, on va détruire tout ça. C'est aussi à l'étape de l'ébullition que le houblon est traditionnellement ajouté au mou. Ce sont en fait les inflorescences femelles, donc les cônes, qui sont utilisées pour aromatiser la bière, et ça depuis le 12e siècle. Depuis qu'on a découvert ces vertus antiseptisantes et de conservation de la bière qu'on l'ajoute dedans. Fait qu'avant, la bière, il n'y avait pas de doublon. Là. Fait que ça devait goûter pas mal plus le goût du malt, là, mm-hmm, vraiment. Fait que les molécules contenues dans le houblon préviennent la croissance de micro-organismes indésirables. Tout ce qui provient pas là, de notre brassage en tant que tel, ça peut venir de l'air, ça peut venir en fait ce qui contient déjà le malt ou ce qu'on va ajouter par la suite. Et en plus de tout ça, ça ajoute du goût. Fait que à noter, plus le houblon est ajouté tôt dans le procédé de d'ébullition, plus son amertume sera perçue, mais moins ses arômes naturels persisteront. Fait qu'on va moins goûter comme le goût du houblon va plus goûter son amertume. Est-ce que tu mets un doublon de houblon? Tout à fait. En fait, c'est vraiment un très bon point slash jeu de mots et slash tout. En fait. Slash quelque chose d'indésirable. Ouais. Non, c'est très désirable. Parce que le houblon peut être ajouté à cette étape-là, mais souvent, il y a des gens qui ajoutent des extraits de houblon qui sont en fait juste des extraits. Là, que c'est extrait vraiment avec des solvants puis que c'est comme juste... C'est pas la fleur en tant que telle. Et ça crée un univers de goût là, complètement différent. Là. Fait que tu peux ajouter l'houblon à plusieurs étapes à partir de l'ébullition, mais aussi subséquemment. Okay? OK? Fait que ça crée vraiment des palettes assez funky avec des bières. C'est pour ça qu'on retrouve toutes sortes de bières, ben comme on retrouve aussi toutes sortes de vins. Là. Des milliers. Et j'ai comme un syndrome de la tourette, du gag. Fait qu'on a un extrait de houblon. Cri. Si je le fais pas, je me sens mal dans ma tête. Ouais. Il y avait un cri avec ton houblon. C'est ça. Merci. Il me semblait que ça empêchait un extrait de houblon. On a avec nous en studio notre invité houblon. Voici un extrait. Tu t'embarques dans mes tocs. Ben oui, mais... OK. OK. On va se pratiquer pour celle-là chez nous, après l'école, à côté du racabello. c'est ça. Quatrième étape, et c'est la dernière étape dont on va discuter ce matin, juste parce que là, sérieusement, je commence à étirer toutes mes sauces. La fermentation, probablement une des étapes les plus importantes. C'est celle qu'on entend le plus parler, là, mais la fermentation, en gros, ça sert à ensemencer le mou avec une certaine quantité de levure qui va permettre de transformer les sucres qu'on a tous libérés là, pendant toutes les étapes précédentes et les transformer en alcool et en CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. C'est la chose qui rend notre bière pétillante, d'ailleurs, quand ça n'a pas été micro-gazéifié par d'autres moyens. Une chance que ça existe, le CO2. C'est ouais, hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? C'est platounet, une bière qui est flat. Là. Et donc, il existe quatre types de fermentation, à savoir basse fermentation, haute fermentation, fermentation spontanée et fermentation mixte. On va en parler de genre 2,5 d'entre eux, parce que c'est quand même des univers assez coriaces auxquels s'attaquer. C'est assez lourd. Fait que la fermentation basse, elle, nécessite l'adjonction dans le mou de levure dont l'activité est vraiment plus optimale à des températures plus basses. On parle de quelque chose entre 10 et 15 degrés Celsius. Fait qu'on a des levures qui vont transformer le sucre en alcool, mais ils le feront pas à des températures bien, bien plus élevées que ça. La bière qui est obtenue par ce genre de fermentation-là vont goûter plus le houblon et le malt. Ça a vraiment là, des caractéristiques un petit peu plus houblonné, malté, moins comme sucré, café et ces affaires-là. C'est moins, un petit peu moins torréfié. Fait que d'habitude aussi, ces bières-là, quand on les consomme, on va les consommer beaucoup plus fraîches que celles à fermentation haute. Et ces bières-là réduisent en fait l'apparition de n'importe quel autre micro-organisme qui n'appartient pas à la bière de se propager, d'apparaître dans la bière. Fait que ça permet une meilleure conservation de la bière. Les bières à basse fermentation peuvent vraiment être... peuvent vraiment être mieux conservées que les bières à fermentation haute. On parle de lager, on parle de pils et pilsner puis tout ça. Il y a aussi lager, pas une raison de faire lager. C'est ça? Lager. Pas raison de faire la bière. La bière. T'as pris mon gag et tu l'as comme rendu drôle. J'ai bu mes mots. La fermentation haute, elle, c'est vraiment juste un peu l'inverse. On peut deviner de quoi il s'agit. Ça nécessite, des températures plus élevées. Fait qu'on a des levures comme le Saccharomyces cerevisiae que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est la levure du pain. Hein? Ça consiste en la fermentation... un petit peu plus élevé en température et ça ne protège pas la bière de bactéries ou de champignons qu'on dit interlopes et qui pourraient venir déranger la fabrication de la bière. Fait que c'est un petit peu plus risqué de faire des fermentations hautes, mais ça permet quand même d'obtenir des teneurs en alcool plus élevées. Pourquoi ça? Parce que lors de la fermentation basse, la levure est un petit peu épaisse. Plus elle fabrique des alcools, plus l'alcool va freiner sa production d'alcool. Fait que, il y a déjà assez d'alcool, boss, je vais arrêter ma job là. Vraiment lâche, là, tu sais. Tandis que dans la fermentation haute, levures vont continuer à fabriquer de l'alcool, même s'il y a déjà de l'alcool. D'accord. C'est des petites choulonnes. Exactement. Et c'est des bières qu'on va boire un petit peu plus chaudes. C'est des bières du style ale, stout, weizen, tout ça, qu'on boit beaucoup plus en Europe. Ici, on en a de plus en plus. J'en compte plus, là, le nombre de microbrasseries là, d'apparaître partout en province. Ça pop! Exactement. Et c'est donc ça qui clôt à peu près pour aujourd'hui le monde de la bière. Que genre, sérieusement, je dis depuis hier, j'apprends plein d'affaires. J'ai eu assez de difficultés à essayer de demeurer concise. Fait que pour cette raison-là, je me suis dit que j'allais juste mettre deux chansons aujourd'hui au thème de la bière. Mais là, ça fut assez challenging parce que c'est un très beau défi. Oui, très beau défi. Parle en français. Oui, excusez, l'Office de la langue française va m'envoyer des lettres. Sir or madam, please use French. Et finalement, qui dit bière dit R&B japonais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller écouter une tune que j'ai découverte hier qui s'appelle Two Beer de Kisu. Two Beer comme deux bières. Wow. Là. Et voilà. T'as oublié le mode de fermentation qui s'appelle la fermentation. Ça, c'est quand ton oncle Fernand a une usine à bière dans le ventre. Oh, fermentation. Two beer, we go watch this. On va là. 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 나 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 오늘도 어김없이 해가 뜨거워 무거운 몸을 일으켜 밖으로 내가 집 반찬 감긴 눈을 비비며 싸구려 커피 한 잔을 마시 빈속으로 오늘 하루도 별탈 없이 보냈으면 해 또 누군가와 싸우는 일은 없었으면 해 상처받는 일은 없었으면 해 그래 그러기 위해서는 내가 더 잘하면 돼 잘해야 된다는 잘 돼야 된다는 부담감이 없었으면 매일매일이 똑같은 하루 뭔가 특별한 일이 생겼으면 좋겠어 그냥 내 생각이야 사실 원해 건 내 바람이야 좋겠어 그냥 내 생각이야 바람이자 내가 원하는 나 말의 세상이야 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시에 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 내 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시에 나가 나 할 일이 너무 많아 빠르게 변하는 서울시티 도시 위 나 혼자 멈춘 듯해 검게 모든 거리 위 한적하다 못해 무서운 느낌마저 들어 혼자인 듯한 느낌에 어깨마저 움츠러들어 무서워 또 내일 무슨 일이 일어날까 벌써 내 아픔 깜깜한데 다른 이들은 어쩜 잘만 웃고 사는 난 또 이 길을 걸어 불안해 내 미래는 동이 뜨기 전 새벽에 우리 집어처럼 한치 앞도 안 보여 어두워 잠을 들기 전 내 방안처럼 내가 원하는 건 그저 행복한 것뿐인데 세상은 더 많은 걸 바라고 또 요구해 내가 원하는 건 외로움이 아닌데 내가 가는 곳 여기도 저기도 다 외롭네 내가 하고 싶은 건 내가 하고 싶은 건 hey. 내가 하고 싶은 건 내가 하고 싶은 건 더 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 시에 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 내 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시에 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 새벽 5시에 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 내 기분 좋은 두 잔 나 이 차례 먹어 내 새벽 5시에 나가 나 할 일이 너무 많아 너무 많아 더 기분 좋은 두 잔 Place tes beaux vêtements hors de ma vue, car bonne soirée. c'était la bière sur les gamines. C'est... c'est louche un peu. C'est louche. C'est de donzelles et numéros. Non, mais guys, la bière sur les gamines. Non, mais tu sais, ça se fait pas. Non. Non, mais juste avant ça, on a entendu « Two beer » de Kisum. Parce que tout le monde sait que la bière et puis... Hein? Le R&B japonais, K-pop, ouais. Slash... Mais il s'assume. C'est mais il s'assume. Il s'assume. S'assume. Et la bière, elle assume aussi. Assume. Aussi, oui, en effet. Un, c'était assez. Deux, c'est sa chance. Ah, une bière de trop, mon minou. écoute, c'est ça, on parlait de bière aujourd'hui. Oui. Je me suis noyée dans ma bière tellement que l'univers est vaste. Mm-hmm. Et je vais vous revenir dans deux semaines. Oui, pour on met le petit capuchon sur la bouteille, il va rester le fond. Là, exactement. Fait qu'on a parlé là, de toutes les étapes jusqu'à la fermentation, les petits côtés scientifiques derrière tout ça, pourquoi qu'on fait ci, pourquoi qu'on fait ça. C'est quoi une enzyme? C'est un outil cellulaire. Et puis, je vais vous revenir avec vraiment tout ce qui a trait à la couleur, au goût, au développement de tout ça. Puis, un petit peu aussi peut-être de conservation. Puis, qu'est-ce qui se passe après la fermentation, là. Ça va être délicieux. Il n'y aura pas de bave dans le fond de cette bière-là du tout. Des fois, c'est ça s'accumule au fond. Ouais, non, c'est ça. Il faut les boire toutes one shot. Ouais. C'est ça, en une gorgée. Cul sec, t'allais dire. Ouais, non. Exactement. Tellement pas. Parce que tantôt, t'as parlé de humidifier les grains, je sais pas trop quoi. Humidifier les grains. Et c'est ça. Ouais, merci, Justine. Ça m'a tellement fait plaisir. Blablabla. Je suis tellement à jeun, je sais que ça a pas paru beaucoup, là, mais je vous promets, je suis à jeun ce matin. Ben, tôt le matin, pour nous, c'est comme en fin de soirée pour quelqu'un qui a bu, ça. Ouais, c'est vrai. Ah oh, oui. Mmh. Écoute. Écoute. Bon, hey, va-t'en changer ton auto de place parce que là, toutes les... Oui, si vous écoutez, cher monsieur, madame, qui mettait l'étiquette dans le stationnement du QTR, sachez que je suis dans le parking 15 minutes et que bientôt bon je vais récupérer ma voiture. Fait qu'allez pas me donner un ticket à la Prius C en face du Pierre Boucher. Merci. Ben, voyons, non. Non, mais on elle dit exactement les ouais. Ouais, c'est ça, vas-y pas. Ouais, ils sont trop occupés. Ils écoutent, c'est fou, sur leur cellulaire. Ils écoutent ta chronique, je suis sûr. Ben, c'est vrai. En balado-diffusion. Ils se balado-diffusionnent, eux autres, sur je regarde. Ils ont l'air bien, bien baladés. Merci, Justine. Hey, plaisir. On te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique sur la bière. Awesome. C'est dans Justine Bertin. Délicieux. On prend une pause pendant qu'elle court. Et on s'en va. Elle court. On l'entend. Oh, boy. Notre plancher est bruyant. Elle courait vraiment longtemps. Ouais, vraiment. Et sur place aussi. Et là, je viens de voir arriver. Je sais pas si tu l'as vu, Tania. Il est en train d'arriver là. C'est Elfe le Folle-Lusin! Oui, hey, bonjour! Hey, je t'ai entendu parler, Tania. Tania, de Père Noël, là, j'étais dans là, le royaume. Puis là, j'ai dit, mais là, faut que j'appelle. J'ai appelé en studio. C'était tellement occupé, j'avais pas répondu. Fait que là, j'ai dit au Père Noël, hey, pas le temps de niaiser. En plus, j'avais dit, il va être en retard. Fait que là, je me suis dit, non, mais là, je savais, j'ai entendu parler de trafic, je regardais ça. Il est loin dans le trafic. Je pensais que le traîneau, il est loin. Et boy, pas sur bord d'arriver. Et il va pas dire, si, écoute, le Xavier, arrête de vire de bord. Et, écoute, de bord. Ça sera pas mieux. Xavier, t'es pas arrivé. Fait que je me suis dépêché, me t'es venu dans le studio. Ah, t'es fin. Merci, Alfalfa. Mais là, j'écoute, hein? À un moment donné, il faut régler les problèmes. Je suis venu vous dépanner. Merci. Notre sauveur. Oui. Il a amené ses clochettes. C'est Noël à l'année ici, c'était fou. Donc, Alfalfa, habituellement, tu nous parles de jeux de société. Tu nous parles un petit peu des fois d'alcool, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je pense que... Attends, laisse-moi penser. Rebobine. Je le sais, je n'ai peut-être un à vous parler. Ah oui? Oui, puis peut-être de l'alcool. Oh, ben oui, ça va marcher. OK, j'ai une idée. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle La Mafia de Cuba. Okay. La Mafia de Cuba. Est-ce que vous connaissez le loup-garou? Je connais le type de jeu. Je n'ai jamais joué, par contre. Est-ce que je connais rien à ça. Non? Donc, c'est des jeux de rôle. OK. OK? Donc, il y a un mafioso. Un loup-garou. Il y aura donc chacun un personnage à jouer à chacune des rondes. Donc, le premier, c'est le mafioso. C'est le il cherche qui a volé des diamants. Donc, dans sa boîte, il y a 15 diamants. Mm-hmm. Il y a aussi des personnages. Donc, il y a le chauffeur, que j'expliquerai plus tard. Okay. Il y a son assistant, OK, qui va être là. Et il y a aussi l'acolyte qui est là aussi. Donc, trois jetons de couleur qui ont des tâches bien différentes. Et le mafioso prend dans sa boîte entre 1 et 5 diamants. OK. Et, et après ça, il passe la boîte à sa droite. On parle de vrais diamants. Oui, de vrais diamants. Mais pour le jeu. En plastique, là, mais ouais. Oui, c'est comme un fini faux vert. Là. Ah oui. Okay. Donc, il les cache sur ses cuisses. Et dans la boîte, il y a une poche. Mm-hmm. Et il y a les autres diamants qui restent. Okay. Le premier joueur a le droit de cacher un macaron dans la poche. Donc, soit le chauffeur, soit l'acolyte,

philosophie qui est quand même assez particulière. Et les médecines manuelles, telles que, comme tu le disais tout à l'heure, l'ostéopathie, la chiropraxie, l'éthiopathie, bien, ce sont des médecines douces qui abordent le corps dans sa globalité. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, par exemple avec l'acupuncture, bien, ça joue beaucoup sur la médecine douce parce qu'on parle surtout des racines de l'être humain. On parle surtout des cinq éléments pour justement traiter nos patients. L'hypnose, la kinésiologie, ce sont aussi d'autres médecines douces qui ont leur propre conception de la maladie et des soins. Et là, évidemment, il y a plusieurs débats qui sont un petit peu partout, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la pensée des gens, à savoir justement si c'est pas juste l'effet... du gris-gris. Oui, exactement. Si c'est pas juste psychologique, si on se pose la question à savoir si ça fonctionne vraiment, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de médecine douce, comme on faisait allusion à l'homéopathie. On fait aussi allusion à la phytothérapie, qui est la santé par les plantes. On parle de l'aromathérapie aussi, l'ostéopathie, les principes de la médecine chinoise. Il existe vraiment beaucoup de sphères à la médecine douce, mais ça part du fait qu'on peut se soigner un petit peu soi-même. Mmh. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, bien, j'ai parlé un petit peu du self-care. Alors, évidemment, on revoit un petit peu les joies et on revoit un petit peu aussi les grandes lignes de la médecine douce, dite quasi naturelle. Revenir un petit peu plus au devant de la scène ces temps-ci, parce que justement, ça fait partie en quelque sorte du self-care. Donc, ça fait peut-être un petit peu suite à la chronique que j'ai faite la semaine dernière, qui justement parlait du bien de soi, de prendre soin de soi par nous-mêmes et de pas nécessairement se laisser devenir malade. Et si on regarde ça comme ça, la médecine douce, ça apporte un petit peu ce côté-là. C'est le fait de tout le temps prendre soin de nous au quotidien. C'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure aussi, basé sur la médecine chinoise qui, eux, sont très, très portés vers ça. Donc, de savoir comment se connaître très bien, de savoir comment prendre soin de nous, comment y aller avec les plantes, la santé, mais surtout le naturel dans tout ça. Et la médecine douce, bien, ça fait vraiment partie de tout ça. On parle aussi de dépression, comment essayer de contrer la dépression avec la médecine douce sans nécessairement avoir besoin de médicaments. C'est sûr qu'il y a je veux pas dire maladie, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus soignables avec une médication. On a vu beaucoup de gens mourir parce qu'ils voulaient pas utiliser la médecine. Exactement. Prier à Dieu. Il faut faire attention à ce qu'on est capable de faire avec la médecine douce. Il y a des choses qui sont, par exemple, neurologiquement, par exemple, biologiquement, pas soignables par la médecine douce. Donc, c'est sûr que avant de se lancer là, dans les grands remèdes de la médecine douce, il faut savoir à la base que ça prend justement des produits qui vont être homologués. Mm-hmm. Ça va prendre aussi des services qui vont être homologués. Et Service Canada et Santé Canada, bien, se penchent justement sur le sujet. On se pose des questions, comment savoir si un produit est homologué, comment savoir si un service va être reconnu ou homologué. Alors, à ce moment-là, c'est important de nous, en tant que personnes responsables, de justement se poser la question et d'aller faire un petit peu des recherches, que ce soit sur Passeport Santé ou que ce soit sur le site du gouvernement du Canada. Donc, pour être homologué au Canada, les produits de santé naturels doivent être sûrs, ils doivent être efficaces et ils doivent être aussi d'une grande qualité. Donc, on parle d'une étiquette qui est détaillée sur laquelle va figurer les renseignements qui permettent aux consommateurs de faire des choix qui sont éclairés et qui sont apposés justement sur les produits en tant que tels. On peut reconnaître les produits qui vont être homologués au Canada comme étant de la médecine douce ou des produits naturels qui vont fonctionner grâce à leur étiquette. Parce qu'en fait, on va porter un numéro de produit naturel, ce qu'on appelle au Canada un NPN, ou encore un numéro de remède homéopathique. Donc, on peut l'appeler un DINHHM et ça va composer 8 chiffres. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va se rendre compte au Canada que notre produit va être homologué. C'est rassurant, je trouve. C'est très rassurant et surtout, si on ne trouve pas ce petit code-là, c'est de se poser la question, sont, en fait, ça me tente-tu vraiment de l'essayer? Mais tu vas probablement pas les retrouver en pharmacie, ces produits-là, parce qu'ils n'ont pas été homologués. Exactement. Okay. Donc, la présence d'un code comme celui-là à 8 chiffres, bien, ça va signifier que la vente du produit a été autorisée au Canada et que celui-ci va être sûr, va être efficace et lorsqu'il va être utilisé conformément au mode d'emploi qui se trouve sur l'étiquette. Mm-hmm. Il faut faire attention de dire qu'on participe ou qu'on veut faire un petit peu plus de médecine douce pour notre bien-être. Ça ne veut pas nécessairement dire faire ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Toute la bouteille au complet en shooter. Ça veut dire suivre le mode d'emploi sur les étiquettes. C'est la même chose qu'un médicament. Et souvent, les plantes, bien, dans plusieurs médicaments qu'on va retrouver en médecine, on va retrouver aussi des plantes, on va retrouver certains produits biologiques. Donc, il faut absolument faire attention à ce qui va se trouver sur l'étiquette, peu importe la médecine qu'on utilise de faire. Et pour trouver justement des produits qui vont être homologués, bien, vous pouvez effectuer une recherche, par exemple, dans la base de données des produits de santé naturelle homologués de Santé Canada. Ça se trouve très facilement sur Internet. Ça peut se trouver aussi dans plusieurs magazines ou dans plusieurs revues qui sont santé ou biologiques ou tout ça. Donc, c'est assez facile de mettre la main sur cette fameuse liste-là et de savoir si nos produits de santé naturelle ou nos produits de santé de médecine douce sont utilisables de manière sécuritaire. Comment est-ce qu'on peut utiliser les produits de santé naturelle de manière sécuritaire, justement? Bien, les mesures vont nous permettre de réduire les risques qui vont être moins sécuritaires. Donc, par exemple, avant de choisir un produit, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez primordial de devoir consulter un professionnel de la santé. Il faut, comme par exemple, demander soit à un médecin, à un pharmacien ou encore à un naturopathe si c'est fait pour nous. Parce que c'est certain que si on a un problème, je sais pas moi, neurologique, comme je le disais tout à l'heure, ou biologique, bien peut-être que tout ce qui est médecine douce, ça n'aura pas un effet selon le stade où on se trouve. Donc, on doit poser certaines questions à nos médecins et il faut arrêter de croire aussi que les médecins sont absolument contre ça. La plupart du temps, si vous êtes en santé, mais c'est juste votre médecin qui va être beaucoup plus content de ne pas vous avoir dans son bureau à toutes les semaines. Il y a plusieurs médecins qui vont dire, genre, OK, là, t'as assez de pilules en ce moment. Là, exactement. Slack-en une ou deux, puis change ça pour autre chose. Ou essaie une alternative qui va être beaucoup plus santé, beaucoup plus naturelle. Donc, c'est une précaution, en fait, qui va être mise de l'avant. Particulièrement, c'est très important quand il s'agit d'enfants, quand il s'agit de femmes enceintes ou des femmes qui allaitent, des gens qui... les personnes âgées, les personnes, les aînés, les personnes qui sont atteintes aussi de problèmes médicaux graves, comme je le disais, bien, si on regarde ça comme ça, allez chercher vraiment le conseil de votre médecin, de votre pharmacien, pour être sûr et certain que vous allez pouvoir utiliser des produits de santé naturelle ou des produits de santé médecine douce pour justement pas faire de contraintes aussi avec certains médicaments que vous utilisez déjà peut-être. Donc, pour prévenir, par exemple, les interactions, eh bien, il faut s'assurer que notre professionnel de la santé est au courant des autres médicaments ou des autres produits de santé naturelle qu'on va prendre. Ça, c'est très important, surtout si c'est notre pharmacien et qu'on va en pharmacie se procurer nos produits de santé ou nos produits de médecine douce. Eh bien, on ne veut pas justement qu'il y ait un effet secondaire à la suite d'un autre médicament qu'on prend déjà. Alors, à la base, si votre médecin de famille vous prescrit un produit qui va être beaucoup plus naturel, et bien si vous arrivez à la pharmacie et que vous n'avez pas encore un dossier à cette pharmacie-là, bien c'est important de dire au pharmacien ce que vous prenez déjà. Ouais. Par la suite, il faut utiliser des produits qui vont être homologués, comme je le disais tout à l'heure. Donc, un produit qui va utiliser un numéro de NPN ou un numéro de remède homéopathique. C'est vraiment la base au Canada. Il n'y a pas grand-chose qui se retrouve sur les tablettes qui ne le sont pas, sachez-le. Mais il faut quand même jeter un petit coup d'œil, s'assurer que au cas où. Par la suite, il faut se méfier des allégations santé qui semblent un petit peu trop belles pour être vraies. Donc, il ne faut pas se fier nécessairement aux publicités qu'on va voir. Il faut faire nos propres recherches. Il faut en parler avec notre professionnel de la santé. Il faut en parler aussi avec des gens qui ont déjà essayé ça. Là, je ne vous parle pas des gens qui sont peut-être un petit peu brainwashed par ce produit-là face aux publicités, justement. On parle vraiment de des gens qui vont l'avoir utilisé pendant plusieurs années. Qui peuvent avoir vu ou non des changements sur leur santé. Oui, il y en a qui veulent... Il y a quand même un côté psychologique à ça aussi. Exactement. J'ai l'impression que ça fait quelque chose des fois. Là. Tout à fait. Donc, il faut s'assurer que c'est pas trop beau pour être vrai. Par la suite, il faut lire attentivement et il faut observer les directives, comme je le disais tout à l'heure, sur les bouteilles, sur les étiquettes. C'est souvent là que tout va se jouer si on veut voir une différence. Et tout à l'heure, je le disais, il faut pas faire à sa tête avec des médicaments de prescription d'un médecin, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire à sa tête avec des remèdes de santé naturelle ou de médecine douce? C'est exactement la même chose. On va essayer d'y aller avec une étiquette, avec une méthodologie qui est déjà prescrite sur le médicament pour voir justement comment nous, on se sent par rapport à tout ça. Et évidemment, s'il y a des effets indésirables par rapport à un tout simplement un produit qu'on veut essayer ou qu'on veut tout simplement voir dans notre santé, eh bien, s'il y a des effets secondaires à tout ça, s'il y a des effets indésirables, ce qu'il faut faire absolument, c'est de justement les signaler à notre professionnel de la santé et surtout à Santé Canada. Parce que sachez-le, Santé Canada vont mettre de l'avant les effets secondaires à un produit. Et s'il y a trop d'effets secondaires et qu'on se rend compte qu'il y a pas mal moins d'effets positifs à ce produit-là, eh bien, on va tout simplement le homologués. Oui, le retirer du marché, finalement. Exactement. Donc, c'est important d'aviser Santé Canada si jamais il arrive quoi que ce soit. Je sais pas, moi, vous vous rendez à l'hôpital par rapport à quelque chose, un effet secondaire, là, éruption cutanée ou je ne sais quoi. Bien, Il y a des plantes dedans, ça pourrait en fait mener vers ça. Exactement. Donc, c'est assez important de le dire à notre professionnel de la santé et à indiquer aussi, comme je le disais, Santé Canada pour qu'ils puissent savoir à quoi s'en tenir par rapport à ce produit-là. Il existe plusieurs sortes de médecine douce pour plusieurs problématiques. Sachez-le, par exemple, je fais allusion au mal de dos. Digestion. Les ballonnements, ça fait souvent partie de la digestion. Si on a de la difficulté à dormir, ce sont tous, la plupart du temps, des... je veux pas dire des sphères auxquelles on pense pas nécessairement, mais on va tout simplement aller voir notre médecin en voulant avoir un médicament et on pense pas mal moins à la médecine douce et souvent, ça peut faire un effet qui va être, bon, moins efficace rapidement, mais qui va avoir une longévité beaucoup plus longue qu'un médicament qu'on va dire, par exemple, je sais pas moi, prends ça pendant 7 jours, puis après 7 jours, t'auras plus mal au dos. Ouais. C'est sûr, ça va être très efficace parce qu'il va y avoir une grande dose de médicaments, une grande dose, par exemple, d'antibiotiques, selon le produit ou la problématique qu'on a. Et si on y va avec les produits naturels et les produits de dite médecine douce, bien, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, mais ça se peut que le problème ne revienne pas non plus à la suite de tout ça. Tandis que si vous... il faut vraiment en discuter avec, avec nos professionnels de la santé, nos médecins, parce qu'ils nous connaissent déjà à la base. Surtout si vous avez un médecin de famille, je vous dirais, c'est un petit peu le point numéro un à faire, c'est d'avoir une bonne conversation avec ce médecin-là et savoir, justement, selon nos antécédents de médecine, si vous avez eu, par exemple, plusieurs interventions chirurgicales, bien peut-être qu'il y a certaines choses du côté de la médecine douce qui vont avoir aucun effet sur vous parce que peut-être qu'il vous manque des parties pour que ça puisse fonctionner comme ça devrait fonctionner. Alors, c'est vraiment très important de voir avec votre médecin ou votre pharmacien, tout dépendant de qui vous voyez. Je voulais parler de réflexologie parce que oui, c'est une partie de la médecine douce, mais qu'est-ce que la réflexologie en tant que telle? Bien, ça vise à mobiliser les processus d'auto-guérison du corps. Et là, quand je parle d'auto-guérison, c'est pas nécessairement se guérir de tout, sachez-le. Ça se pratique en exerçant une pression qui va être soutenue, surtout avec le bout des doigts, sur des zones ou des points de réflexe qui vont être situés sous les pieds. Sachez-le, les mains ou encore les oreilles. Donc, on a trois points. Oui, exactement. Donc, la réflexologie, c'est pas seulement sous les pieds. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est comme ça, mais c'est qu'une partie de la réflexologie. Et ce sont des points qui correspondent à des organes ou encore des fonctions organiques. Donc, récemment, j'étais en train de souper avec une de mes amies qui a étudié en massothérapie et qui œuvre comme masseuse à tous les jours. Massothérapeute. Exactement. Et elle m'expliquait... c'est vrai. Et elle m'expliquait en fait que la réflexologie, ça fonctionne beaucoup. Et on discutait en fait de plusieurs problèmes qu'on avait déjà eus dans le passé. Et elle me disait, ben, tu dois avoir mal comme en plein milieu du pied, souvent, du côté du pied gauche. Ah, bah, là, je suis là, Comment tu fais pour savoir ça, ma chienne? D'où c'est que tu me sors ça? Tu l'as sorcière, tu l'as brûlée. Exactement, c'est ça j'ai fait. Non, du tout, en fait, elle m'a expliqué en fait un petit peu ce qu'était la réflexologie. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est pas une technique de massage. On n'insiste pas non plus là-dessus. Mais si on peut, par exemple... faire une différence soi-même sur un petit mot qu'on a, bien, on va se pencher sur la question, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas nécessairement passer des heures dans une salle d'attente non plus, à devoir attendre de mieux filer. Donc, la réflexologie, ça ne prétend pas guérir des maux spécifiques, sachez-le. On cherche plutôt à apporter un certain soulagement à certaines sortes d'affections. Donc, par exemple, les maux de tête, les maux de dos, les fameux syndromes prémenstruels, mesdames. Bien, la réflexologie, ça peut aider à soulager tout ça. On parle aussi du stress, les troubles respiratoires, la sclérose en plaques, c'est une maladie qu'on sait que malheureusement, on n'a pas encore de remède à pouvoir guérir tout ça, mais de soulager les symptômes de la sclérose en plaques, bien, ça se joue beaucoup aussi avec la réflexologie. Donc, il y a des effets qui sont indésirables, par exemple, du côté de la chimiothérapie, et on souhaite soulager ça sans nécessairement que ce soit avec d'autres médicaments. Déjà qu'on est en chimiothérapie, alors la réflexologie, eh bien, les massothérapeutes vont jouer beaucoup sur le soulagement de ces maux-là. Et c'est le fun parce que ce sont des points réflexes qui ne se retrouvent pas exactement aux mêmes endroits sur les différentes chartes. Il faut un petit peu chercher pour savoir quelle charte va se joindre à nous, disons ça comme ça. Et ça pourrait expliquer, par exemple, plusieurs facteurs. Par exemple, On a l'approche continue d'évoluer. L'identification de l'emplacement des points peut varier légèrement en fonction des recherches ou de la pratique clinique qui va avoir été faite sur la réflexologie. Donc, ça va dépendre un petit peu de où on a trouvé nos chartes de réflexologie. Ça peut aussi être les points sur les chartes qui seraient indicatifs. Donc, par exemple, leur emplacement exact pourrait différer un petit peu selon la morphologie, bien évidemment, des individus. C'est sûr et certain qu'on n'a pas toute la même grandeur de pied. Hein? Donc, si vous regardez une charte, ça se peut que ton foie il soit un petit peu plus à gauche que celui où son pied a du 4. Tu sais, je sais pas, là, mais si tu choses du 13, t'as un plus grand pied, t'as une plus grande carte à devoir justement explorer. Masser. Donc, il y a un praticien qui est expérimenté, qui devrait pouvoir trouver les points avec une bonne précision. Et par la suite, on va pouvoir, par exemple, vous transmettre ces informations-là si vous n'avez pas nécessairement besoin de devoir retourner chez le praticien en particulier. Bien, c'est sûr que ça va faire un soulagement à certains organes de votre corps. Il y a la réflexologie qui a été... instaurée, disons ça comme ça, par Dr. Fitzgerald. La plupart des gens connaissent la réflexologie à cause du Dr. Alphonse Cornelius, qui lui a publié un livre en 1902 en Allemagne, et ça parlait justement de points de pression, de l'émergence, de la signification des névralgies, de la nervosité et tout ça. Mais en 1917, un petit peu plus tard, eh bien, on a vu justement Fitzgerald arriver avec des cartes très bien établies, des régions qui étaient reliées du corps. Donc, ces fameuses chartes-là, c'est vraiment Fitzgerald qui les a mis en place à partir de 1917. Par la suite, évidemment, je me suis posé la question, y a-t-il une femme qui est sortie de tout ça? Parce que c'est un petit peu une question que je me pose de plus en plus, peu importe les recherches que je fais. Et c'est Eunice Ignam, qui est une physiothérapeute américaine, qui était l'assistante du docteur Fitzgerald, qui a mis au point au début des années 1930, à partir des découvertes de ce médecin-là, la réflexologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc oui, je vous ai parlé de Cornelius, qui lui a vraiment parti les points de pression. Par la suite, en 1917, on a eu Fitzgerald, qui lui est arrivé avec les chartes. À ce moment-là, on savait qu'on pouvait faire quelque chose avec la réflexologie. On pouvait se soulager un petit peu, mais la réflexologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une femme qui l'a mise en place. Oui. En fait, elle est auteure du premier traité de réflexologie moderne, dans lequel l'ensemble du corps est littéralement cartographié sur les mains et les pieds. Donc, Fitzgerald est arrivé avec quelques cartes il est arrivé avec quelques points, par exemple, je sais pas moi, votre foie peut être relié avec le dessous droit de votre pied. Par la suite, Eunice Ignam, bien, elle les a vraiment mis là, sur carte. Que ce soit pour les mains, que ce soit pour les pieds, on a donné bien évidemment des séminaires un petit peu partout en Amérique du Nord. Elle a aussi fondé la première école de réflexologie et aujourd'hui, bien, elle a été nommée à l'International Institute of Reflexology. C'est une école qui est dirigée par Dwight Byers, qui est le neveu de cette physiothérapeute-là. Et leur enseignement est offert dans plusieurs pays du monde. Donc, si on connaît la réflexologie aujourd'hui telle qu'elle est, c'est grâce à une femme qui a vécu entre 1889 et 1974. Donc, une physiothérapeute américaine qui était assistante déjà d'un médecin, mais qui l'a poussée beaucoup plus loin. C'est le fun. On n'a pas nécessairement de statut officiel du côté de la réflexologie. C'est plus utilisé comme une approche alternative. Mm-hmm. Il faut le savoir. Ça ne va pas nécessairement être reconnu comme une médecine en tant que telle. C'est souvent là la limite souvent de certains professionnels de la santé où on va vous dire... moi, si j'étais toi, je pense pas que ça ferait une grande différence. Mm-hmm. Parce que c'est pas nécessairement reconnu. Mais les gens ont tendance à recourir à la réflexologie de plus en plus, justement, tout à l'heure, comme je le disais, pour le soulagement de soi par soi-même. On veut pas aller passer des heures dans une salle d'attente à attendre après notre médecin de famille, à se faire dire, ben, tu sais, prends des vitamines. Ouais. Souvent, ça va se résoudre comme ça. Et la réflexologie, bien, si ça peut soulager certains de nos maux, bien, pourquoi pas essayer de l'utiliser? C'est pas... c'est pas quelque chose qui va être drastique. On va pas prendre des médicaments lorsqu'on parle de réflexologie. On parle vraiment de se gosser en dessous des pieds. C'est ça, de peser sur le pied. Tu le fais toi-même? Tu dis par soi-même? Exactement. Tu le fais toi-même? Oui. OK. Souvent, si vous regardez ça comme ça, si vous regardez sur Internet certaines chartes, si vous avez, par exemple, un brûlement d'estomac, mm-hmm. bien, vous pouvez soulager votre brûlement d'estomac avec une certaine pression. Tu perds rien à l'essayer. Puis honnêtement, si ça fonctionne pas, c'est correct, va te chercher des tonnes. c'est quelque chose à laquelle on peut essayer. Et si on voit que ça se colle pas nécessairement à notre peau, bien, on change tout simplement d'alternative. Donc, comme je le disais, c'est une approche qui est alternative, que ce soit par des professionnels ou dans un simple cadre familial, personnel, amical. Ça a reçu peu de reconnaissance officielle selon les professionnels de la santé, mais ça en reçoit beaucoup des gens sur, par exemple, Internet, les gens qui veulent avoir un bien-être de soi par soi-même, le self-care. Et actuellement, bien au Danemark, en Chine, au Royaume-Uni, on a intégré dans notre système de soins de santé la réflexologie. Donc, peut-être est-ce que ça va se voir un petit peu plus en Amérique du Nord d'ici quelques temps? C'est une question. Ça pourrait. Écoute, il y a des gens qui font maintenant carrière en chiropratie, mm-hmm. en ostéopathie. Alors, pourquoi pas est-ce que la réflexologie pourrait devenir en quelque sorte aussi un soulagement à plusieurs maux comme ça qui est représenté au niveau de la santé au Canada? C'est une pratique qui est souvent contestée dans le milieu médical, comme je le disais. Comme la chiropratie et plein d'autres choses. Comme la chiropratie. Mais dans la majorité des pays, ce sont des associations régionales ou nationales qui vont veiller à ce que les normes de qualité et bien évidemment de sécurité, sachez-le, soient respectées tant pour la formation que la pratique. Donc oui, il y a des gens qui vont être formés pour faire de la réflexologie. Je pense entre autres aux massothérapeutes. Ça serait le fun d'aller faire un petit tour chez une massothérapeute avant de vous lancer dans la réflexologie par vous-même sur le coin de votre sofa. Parce que c'est sûr que votre massothérapeute, si vous essayez de vous frotter le foie, puis comme je le disais tout à l'heure, il y a des chartes qui sont différentes. Puis ce que vous vous rendez pas compte, c'est que depuis tout à l'heure, vous vous flattez le bas du dos, là. Ça peut ne pas être concluant pour vous, ça c'est sûr. Ça fait pas mal, se frotter le bas du dos. Mais si t'as mal aux pieds, oui. Tu frottes la peut-être tête. Peut-être les mains. On ne sait pas. On parlait tout à l'heure de certaines chartes au niveau des mains ou au niveau des oreilles. Il faut savoir, il faut faire quelques recherches. Et c'est sûr que de ce côté-là, comme je le disais tout à l'heure, bien, de faire le plus de recherches possible, ça va vous amener aussi à voir les bienfaits. Ça va voir aussi les contre-indications d'un certain, je ne veux pas dire remède, mais d'un certain soulagement dit plutôt naturel de ce côté-là. Alors, vous en avez vraiment pour tous les goûts. c'est sûr qu'en partant, Internet est comblé de tout ce genre de choses-là. Et de plein de niaiseries. Donc et de plein de niaiseries. Alors, assurez-vous que ce que vous lisez, c'est une bonne source, évidemment. Et assurez-vous aussi de vous connaître. Donc, savoir vos propres limites du côté de la réflexologie. Et surtout, ayez tout le temps recours à votre spécialiste de la santé. Absolument. Et si, si jamais vous avez un problème d'ordinateur, essayez la réflexologie aussi. Frottez votre souris. Oui, essayez ça. Vous allez voir si ça devrait fonctionner. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Réflexologie. À ne pas confondre avec la réflexilologie. Que ça, c'est quand tu coupes un bateau en deux puis tu remets du tape dessus, comme le gars à TV qui crie tout le temps « Flexi! » Exactement. Ah, qui gosse. Ben oui, coupe un bateau en deux puis mets du tape dessus. C'est vraiment intelligent. Voilà, c'est tout pour Assemblage Requis, édition week-end. On se retrouve lundi pour une toute nouvelle semaine d'Assemblage Requis, du lundi au vendredi de 7h à 10h. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute et bon week-end. On se retrouve lundi matin.